Pour ouvrir le bulletin de sport local et régional du 25 août, en parlant des Saguenayens de Chicoutimi, hier dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec le président Richard Letourneau. Et en entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com, le président Letourneau ne s'est pas dit, s'est dit plus ou moins surpris de l'engouement que le match de ce soir entre les Remparts et les Saguenayens nécessite. Surpris, oui et non. Disons agréablement surpris par rapport au fait que ça se soit fait en 4 heures. Possiblement. Par contre, nous, on n'était pas inquiets là, de pouvoir vendre ou de que l'association Joachimler soit capable de vendre leur billets. Vous savez que les Saguenayens font partie de l'imaginaire ou de la réalité régionale depuis maintenant. On est quand même la 45e année. Donc, puis on se beaucoup de souvent de fois, on se fait dire qu'est-ce que les Saguenayens peuvent faire pour les gens du lac Saint-Jean, etc., etc. Puis ça faisait quand même plusieurs fois qu'on se faisait dire, ben, ce serait le fun d'avoir un match, pouvoir avoir un match qui joue au lac Saint-Jean. Puis effectivement, ben on se rend compte que c'est un engouement qui est intéressant. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on veut faire quand même annuellement. Et Richard Letourneau mentionne évidemment que les Saguenayens bénéficient un petit peu du buzz qu'a créé la fin de saison de l'équipe. Ont permis effectivement là, de raviver la flamme. Puis beaucoup du monde du lac Saint-Jean sont revenus au Saint-Georges, ont retrouvé le chemin du Saint-Georges, effectivement. Puis c'est ça, là, je veux dire, quand on a pris 2 ans, que la première chose qu'on a parlé, on a parlé de fierté et on a parlé d'appartenance. Ouais. Puis effectivement, moi le premier, j'étais pas inquiète à savoir que les partisans pouvaient être fiers de leur club, puis pouvaient se réapproprier le club. Maintenant, c'est à nous de leur démontrer notre sérieux puis notre bon vouloir par rapport à ça. Okay. Donc, effectivement, à ce niveau-là, ça s'est fait. J'étais pas inquiète que les gens embarqueraient. Puis effectivement, on fait exactement ce que l'on a dit depuis 2 ans, puis on avance pas par pas, puis c'est comme ça, je ne suis pas capable de démontrer à tout le monde notre sérieux et notre bon vouloir. OK. Richard, si on parlait un peu... Et dans un dernier temps, ben Richard Letourneau mentionne évidemment que la vente de billets de saison a quand même bien été cette année. Les anciens détenteurs de billets de saison de renouveler. Puis par la suite, de démontrer là, qu'on a quand même un bon produit. Puis les objectifs, écoutez, ça a parlé de chiffres, ça serait d'avoir quand même une augmentation par rapport à l'année passée. Là. Fait qu'on parle, c'est ça, là, d'être capable au moins, ben avec les quelques centaines de billets qu'on a vendus de plus, ben, vous savez qu'on avait quand même une clientèle. Parlons maintenant du côté de la Ligue de baseball élite. Hier, les voyageurs de Ville-Saguenay ont surpris hier les Diamants de Québec par la marque de 1-0 dans le cadre du premier match de la série. Les voyageurs qui vont jouer contre les Diamants ce soir au stade Richard Demeule. Donc, on va évidemment suivre un petit peu cette série-là. Parlons maintenant également du côté de la Ligue de balle lente de Roberval. Les séries se poursuivent à Roberval hier. Donc, le Garma défait Intersport 19-3 et également le Garma a gagné 21-11 contre Intersport. Donc, Garma qui mène la série 2-0. Donc, c'est une série 3-5. En terminant, on rappelle évidemment que les funérailles de Jean Ouellet seront célébrées cet après-midi à Normandin. Jean Ouellet, qui est un grand bénévole du secteur, qui a œuvré pendant une quarantaine d'années au hockey mineur de Dolboom-Sesny. Donc, les funérailles auront lieu cet après-midi. J'invite à la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Patrick Topeano de l'Association de soccer de Dolboom-Sesny. Également, on a parlé également avec Raymond Lavoie du club de golf de Dolboom-Sesny. Et Michel Lallemand vient nous parler du côté du club de golf de Chibougamau. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.